Activité 2, page 90. Piste 70. Tu es devant l'école, en face de l'hôpital. Prends ta gauche. Va tout droit jusqu'au feu rouge. Tourne à gauche. Prends l'avenue du parc. Au carrefour, tourne à droite. Elle est à ta gauche, en face du parc.